Alors, on va passer à la période de questions. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui sont ici pour une première fois, les questions peuvent être écrites sur un bout de papier. Je les lis pour que ça soit enregistré sur cassette. Et Daniel y répond. Alors, on commence. Une question facile. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est égal à la masse multipliée par la vitesse de la lumière en accélération. Deuxième question. On va revenir sur l'énergie. Comme tu as le temps, il n'y a pas beaucoup de questions. Ou on peut revenir plus tard. On fait une conférence au complet. Oui, je sais, OK, on peut revenir. On m'a enseigné que... Au cas où on n'aurait pas le temps. Au cas. Pas ce temps, change d'idée. Je vais juste faire une petite réponse, puis après ça, on pourra revenir sur le phénomène de l'énergie. L'énergie, c'est un concept. Des fois, là, ça nous arrange pas. L'énergie, c'est la friction entre la matière et l'espace, entre la matière et le temps, entre l'espace-temps. L'énergie, c'est quelque chose qui permet à la matière d'exister et qui permet en même temps les déplacements de la matière sur elle-même, ce qui va engendrer le temps. L'énergie, c'est donc ce qui permet l'existence. Et l'existence, c'est permis uniquement si on a le temps. L'énergie, c'est la mécanique la plus près de la réalité qui est exprimée dans le continuum illusoire qu'est l'espace-temps. Alors, je vais maintenant simplifier un peu. Égal à MC2. Oh non, ça, c'est très simple aussi, mais... Alors, l'énergie, c'est une expression, c'est une forme. On va... C'est ça, là, je suis parti de CO, descendre en bas, j'ai l'impression que je ne dis plus rien, mais quand même. Le corps physique, c'est de l'énergie. On le sait, si on prend la matière puis on fait une fission de la matière, on a des explosions nucléaires comme on a eu à l'époque d'Hiroshima. Si on prend la même matière et qu'on fusionne les atomes, on a une explosion thermonucléaire, ce qu'on n'a pas eu à Hiroshima. C'est beaucoup plus puissant, c'est ce qui se passe dans le Soleil. L'énergie est constituée de matière. La matière est constituée d'énergie. Les deux vont s'exprimer dépendamment des continuums où on est placé pour les vivre. Présentement, où on est nous, on a l'expression de la matière dans l'énergie. On peut avoir avec justement les explosions une expression d'énergie à partir de la matière. L'énergie, elle peut acquérir des niveaux vibratoires plus élevés. Un niveau vibratoire plus élevé va créer ce qu'on appelle l'énergie vitale, le corps vital qui engendre la vie. Plus élevé en vibration, ça va être capable de mémoriser, de mémoriser non pas que de la matière, comme une plaque photographique, mais de mémoriser de l'événement, de mémoriser de l'intelligence, ce qui va engendrer la conscience astrale, donc la psychologie. Plus réchauffé, plus vibratoire encore, ça va engendrer une puissance de logifération, un logiférateur, à l'origine l'intellect, par la suite le mental. Plus réchauffé, ça engendre un intelligentiateur, c'est l'intelligence supramentale. Plus réchauffé, ça va engendrer un gratuiteur, une forme de gratuité, c'est-à-dire une capacité de vivre des effets sans être assujetti à des causes. Et plus réchauffé encore, c'est un intentionnalisateur, ça reste de l'énergie si on veut, on peut appeler ça une supra-énergie rendue au-delà du plan planétaire, donc au-delà du plan mental. L'intentionnalisateur, lui, c'est cette mécanique énergétique, c'est celle qui va avoir la capacité de consciemment d'intentionnaliser tout le reste des expressions de l'énergie. L'intentionnalisateur, c'est ce qui peut se rapprocher en parallèle à ce que les gens appellent dans l'ésotérisme le plan divin. Le gratuiteur pourrait être le plan bouddhique. L'intelligentiateur, le plan supramental. Le plan logiférateur, le plan mental. Le plan astral, le plan vital, le plan physique. Si on veut aller plus loin pour savoir d'où vient la mécanique énergétique ou supra-énergétique au-delà même de la création, ça sort totalement des cadres de la conférence, des conférences régulières. C'est trop compliqué à expliquer. Ces conférences, c'est des choses qu'on revoit surtout dans les conférences réservées aux séminaristes où on a des heures pour en parler. Alors, grosso modo, l'énergie, c'est ça. Ce qui fait que si on cumule de l'énergie, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a deux façons de ramasser de l'énergie. La première, c'est de ramasser simplement une expression énergétique. La deuxième, c'est de réchauffer ce qu'on a déjà. Dans les deux cas, on ramasse de l'énergie, entre guillemets, et on va vers l'évolution. Donc, on approche de contact avec son esprit. On m'a enseigné qu'un pralaya égale un jour et une nuit de Brahma. Il s'éveille et c'est la création, il s'endort et la création est résorbée. C'est pour ça qu'on fait bien du bruit, puis les Krishna aussi, ils chantent tout le temps, on empêche de dormir. J'ai beau essayer de m'ajuster sur cet enseignement, je n'arrive pas à y croire. Je continue d'avoir le sentiment que c'est l'inverse. Brahma s'endort et ses rêves sont la création heureuse ou cauchemardesque. Et il se réveille et c'est la création. Égal ses rêves et la création disparaît. Plusieurs de ces super, hyper grands personnages dorment et c'est des univers parallèles. Les rêves des uns et des autres commandent. Commande, s'il te plaît. Alors, un jour, un homme s'est endormi et en rêve, il devint un papillon. Et une nuit, un papillon s'est endormi et en rêve, il devint un homme. C'est le résumé de la question. Est-ce que vous êtes un papillon qui, présentement, est en train de rêver que vous êtes des humains? Alors, dans votre rêve, vous assistez à une conférence. Puis, ce soir, vous allez vous réveiller. Ou si vous êtes des humains qui êtes conscients et réveillés, et ce soir, en vous endormant, vous allez rêver que vous êtes un papillon. Lequel des deux l'illusion? Et lequel des deux la réalité? Est-ce que la création, c'est dans le jour de Brahma, ou la création, c'est dans la nuit de Brahma? Tout est illusion. Mais l'illusion est réalité. Et la réalité est illusion. Ça veut simplement dire que pour que l'humain parvienne à s'en sortir, la personne, elle n'y croit pas. Mais elle croit, disons, à l'inverse. Ce n'est pas important, l'inverse ou le bleu ou le noir. Le pralaya, c'est une vision de façon... brahmanique, hein, tu l'avais compris, c'est la nuit, le jour de Brahma. C'est arien, c'est atlantéen, c'est hindou. Et c'est la vision de la transposition des êtres humains d'un continuum, d'un contexte d'évolution à celui-ci. L'être humain, dans le contexte brahmanique, est arrivé sur la planète Terre il y a quelques millions d'années, engendrés par les seigneurs de la Lune, qui vont aussi, à un moment donné, porter un autre nom, les Elohim. Et l'être humain et les Elohim sont une mécanique qui ont comme seule et unique fonction de préserver les génétiques évolutionnaires, de les transposer de planète réceptrice en planète, pour simplement préserver la structure matérielle, les structures atomiques qui ont la capacité de recevoir de la lumière, de l'esprit, de l'énergie. Le cycle brahmanique n'est pas le cycle de la création. C'est un cycle où il y a une évolution, disons, humanoïde, du moins ascensionnelle quelque part, et s'il y a échec, ou bien simplement si ça fonctionne bien, on ramasse des prémices génétiques et on va les transplanter dans des mondes plus refroidis. Et là, on a un cycle de Brahma. Le cycle de Brahma, la nuit théorique ici, la nuit, c'est lorsque on transpose la matière génétique, il n'y a pas de conscience là-dedans, et lorsqu'on commence à la réveiller, à mettre de l'âme, il y a l'éveil, et là c'est le jour de Brahma, qui devrait normalement fonctionner jusqu'au prochain sommeil de Brahma, c'est-à-dire lorsque l'humain sera suffisamment capable de s'extirper. On parlera donc de l'âge d'or, avant les quatre cycles du Kali Yoga, qui vont engendrer le Kali Yoga, et lorsque cela se refait normalement, c'est uniquement une question de génétique et retransplantée dans un monde plus refroidi, alors que l'essence même de cette humanité-là est devenue brahmanique. Bon, là, je réponds à la personne. Je l'ai lu un peu là-dedans. Ce que vous devez savoir, tout est illusion, sont des concepts. On en a parlé un peu la semaine dernière. Brahma ou toutes ces choses-là, ce sont des mécaniques qui ont une caractéristique. Ils sont capables de solidifier de la conscience dans une mécanique où on n'a pas le savoir instantané. Ce sont des marges, des outils sur lesquels on peut monter. Alors, on peut dire, oui, mais c'est peut-être pas la réalité. Non. Mais la réalité, elle est atteignable qu'au prix des vérités. Donc, on peut se servir de vérités, de concepts, de philosophies. Ce que les Ariens ont fait. Et ils ont eu la capacité d'englober une mécanique évolutionnaire s'échelonnant sur plusieurs millions d'années, ce que la chrétienté n'a pas fait. Elle l'a arrêté à quelques milliers d'années. C'est bon. Ce que l'humain doit faire pour arriver simplement à avancer, c'est de tout centrer sur l'instant présent, sur sa présence immédiate. et non pas sur une cosmologie qui fait en sorte de lui donner une fièvre lorsqu'il voit des choses. Par exemple, lorsqu'une personne se dit, écoute, moi je cesse de fumer, je vais peut-être vivre 20 ans de plus. Sur 4,5 milliards d'années que la Terre existe, on n'est pas 20 ans après. Sur 15 milliards d'années de créactivation, on l'air fou un peu avec nos 20 ans. Sauf que ces 20 années-là peuvent faire en sorte que vous allez gagner du point de vue évolutionnaire, et c'est des choses qui échappent souvent à celui qui n'a pas encore, soit qui n'est pas encore suffisamment informé de mécaniques nouvelles, ou qui n'est pas encore suffisamment centré dans son intelligence. Plus l'évolution avance, plus ça se fait exponentiellement. Et c'est pas la distance, et c'est souvent la distance que l'on regarde, un peu comme avant. Où tu restes? À telle place? C'est loin d'ici? 8 jours de marche. Mais là, on calculait la distance en termes de temps. Et aujourd'hui, on calcule la distance évolutive en termes de temps. Alors que Montréal-Québec, aujourd'hui, c'est 1 heure, encore en termes de temps. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on peut considérer que le temps a été compacté quand on a appris à se déplacer plus rapidement. Montréal-Québec, 1 semaine et demie. Montréal-Québec, 4 jours. Montréal-Québec, 1 heure. Ça, c'est pour moi. 2 heures et demie, je pense. En avion. OK. Alors, l'évolution, c'est la même chose. On la voit encore en termes de temps. Plus on avance vite, c'est exponentiel. Ce qui fait que plus vous allez évoluer, les 20 années que vous allez peut-être vivre de plus, ben, il y aura 10 années qui vont être vécues dans la 11e année. Et toute votre vie va être vécue dans la 12e année. En termes de ce que vous allez aller chercher au niveau de l'évolution. La 13e année, vous allez peut-être vivre les 800 dernières années. Un humain devrait vivre 800 ans pour aller chercher la compréhension, le savoir et l'énergie que vous allez aller chercher en 1 an, la 13e année. La 14e année, c'est peut-être d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. La 15e année, c'est peut-être d'Hiram Abiff. L'autre année, c'est peut-être, bon, l'évolution est exponentielle. Quand on parle encore des jours de Brahma, de Brahma et ces choses-là, ce sont des choses intéressantes lorsque l'humain avance dans une exponentialité à peine visible. On multiplie 0.0000 à la 28 par presque rien. Aujourd'hui, on est dans une époque où notre exponentialité commence à monter et là, ça va y aller, vraiment y aller. Alors, on ne doit pas s'en faire. Brahma, qui dort et qui joue au tennis, vous allez voir que prochainement... Cette question est d'ordre physique. Depuis mon adolescence, je n'ai jamais eu de période menstruelle régulière. Ça fait maintenant 10 ans. C'est à la fois accommodant et quelque peu dérangeant. C'est très accommodant, mais l'anormalité rend ça souvent dérangeant. De peu de médecins que j'ai vus n'ont jamais pu trouver le problème, donc j'ai cessé de les consulter. Alexandre Legrand est mort en disant « Je meurs des soins de trop de médecins ». Alors, c'est peut-être bien fait. Donc, est-ce inquiétant? Y a-t-il des dangers d'infertilité? Je continue toutefois d'en rire. Merci. La vraie réponse, ça serait continuer à rire. Bon. Ça, c'est la réponse, la vraie réponse. C'est pas une réponse mentale, c'est une réponse globale. C'est une réponse d'être humain à être humain. La réponse astrale, elle sera différente. La réponse psychologique. Il y a des personnes qui ont des menstruations régulières, aux 2 semaines. Mais c'est régulier. Mais c'est régulier, oui. Normalement, c'est... On va dire au mois. Quand c'est régulier au jour, il appelle ça une hémorragie. C'est ça. Très bon médecin, hein? La personne, elle a consulté pour l'irrégularité. C'est ça qui crée les problèmes. L'anormalité. Je suis anormal. Docteur, est-ce que c'est normal? Dans ton cas, oui. Parce que c'est naturel. Les corps physiques ont des cycles qui se réfèrent à une normalité. Les ectopicités, les anomalies, les exceptions, anomalies positives ou négatives, les exceptions font aussi partie de la nature. Vous êtes peut-être pas normal, vous êtes naturel en ce que vous êtes, votre corps est comme cela. Est-ce qu'il y a des dangers d'infertilité? Ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui sont infertiles et qui sont menstruées régulièrement. Il y a des hommes aussi qui sont infertiles. Et il y a des bonnes raisons de l'être infertile. Il y a aussi des bonnes raisons de ne pas l'être. Vous connaissez probablement les raisons de ne pas l'être. Bon, c'est une chose. On ne doit faire effectivement pas s'en faire. Il n'y a pas de problème là. Et puis, si un jour, vous vous rendez compte que vous êtes infertile, l'enfant tannant que vous auriez eu, soyez content, vous l'avez échappé belle. J'ai rien dit. Le Nazaréen a eu 12 ans, à 12 ans, un contact avec son esprit. Ce contact peut-il atteindre 100% ou s'il n'a eu le plein contact qu'à la fin de sa vie? Et c'est pourquoi disait-il jusqu'à la fin, Père, qu'il en soit fait selon ta volonté, alors qu'il savait déjà qu'il était l'esprit, et donc pourquoi, au jardin de Gethsémani, parlait-il encore du Père? Le Nazaréen, que certains appellent le Jésus de Nazareth, Nazareth étant un petit village qui a été baptisé Nazareth 300 ans après la disparition du Nazaréen. Le Nazaréen, à l'âge de 12 ans, a été contacté par son esprit. Il n'a pas eu de contact avec l'esprit. À l'âge de 12 ans, son ajusteur de pensée lui a permis, à l'âge de 9 ans, mais à 12 ans, on y a un peu plus, et surtout, on a essayé de cycliser la vie du Nazaréen, 12 étant un chiffre kabbalistique important, 21 aussi, etc., etc. Il y aura le chiffre 40, il y aura le chiffre 7, des choses comme ça. 21 plus 12, 33. Et lorsque le Nazaréen a eu ce contact avec l'esprit, c'est-à-dire lorsque l'esprit l'a contacté, il y a eu un échange qui s'est fait entre les deux. L'esprit avait besoin d'un corps physique à l'époque. Le corps le plus puissant qui avait été créé par la race humaine était nécessairement dans le peuple juif. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la pénétration dans l'ère du Verseau, lorsqu'il y a eu le retour des mécaniques christiques, il y a eu la levée de l'Allemagne qui a eu comme fonction de détruire une partie du peuple juif pour que l'esprit, l'intelligence supramentale, l'énergie christique, ne redescende pas uniquement dans le peuple juif, qui était un peuple, du point de vue ésotérique, l'un des plus puissants. Alors, à l'époque, il y a une des sectes, les Nazaréens, la secte Nazarite en est une autre, les Gentils en est une autre, les Esséniens en est une autre, c'est la même clique. Eux ont reçu, donc, ce contact. Père, c'est l'ego de Jésus, de l'enfant qui parle. Alors, dans l'Église catholique, on reconnaît l'enfant Jésus, on reconnaît le Christ, et on reconnaît l'homme christifié, l'homme Dieu, Jésus-Christ. C'est important de voir les séparations, les nuances, les subtilités. Jésus est un être humain réincarné aujourd'hui. Le Christ est une mécanique supramentale qui est résorbée. Maintenant, tout ce qui est supramental, alchimiquement tout ce qui est christique, fait partie du retour du Christ. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui revient. C'est le Christ. C'est l'énergie christique. Alors, à un moment donné, dans l'évolution de sa vie, le Nazaréen, qui est le nom de l'initié, le nom qu'il aimait, que les disciples autour l'appellent, enfin ses amis puis ceux qui le côtoyaient, au cours de sa vie, il va dire « Je suis le fils du Père dans le ciel ». Il dit ça vers l'âge de 12 ans. Je dois m'occuper des affaires de mon Père dans le ciel. Le ciel, c'est le monde de la mort. C'est de là que viennent les âmes, c'est là-dedans que sont constitués les égrégores, et c'est l'endroit à échapper. Un peu plus vieux, il va dire, je m'occupe, ou je suis le fils du Père dans les cieux. Là, il a un contact plus conscient avec les énergies extraplanétaires, les énergies qui dépassent le monde de la mort, qui dépassent le ciel, et qui font partie des trois sphères supérieures du point de vue planétaire. Le plan bouddhique, l'amour, le plan supramental, qui sera l'intelligence, l'Esprit Saint, le plan bouddhique, l'amour, et le plan de l'intentionnalité, ce que lui appellera le Père. Mais là, on ne parle plus du Père dans le ciel. Et à un moment donné, un peu plus tard, lorsqu'il sera en fusion avec son esprit, il dira simplement, « Je suis ». Il n'est plus le fils de rien. Et lorsqu'il meurt sur la croix, l'énergie christique s'en va, et c'est l'ego, donc l'enfant Jésus, qui se retrouve, et qui dit, « Père, pourquoi m'abandonnes-tu? » Alors, grosso modo, c'est ce qui est arrivé ici. Donc, le contact christique à l'époque, il s'est fait très rapidement. L'être humain n'a pas un contact final vers la fin. Dans l'ère du poisson, la majorité de ceux qui avaient un contact supramental mouraient violemment. J'ai déjà expliqué un peu pourquoi, parce que ça purge quand le sang est écoulé violemment. Il y a une grande partie des parties basses de l'ego qui sont qui restent attachées au plan matériel. C'est pourquoi Odin disait à ses guerriers que si vous voulez venir à mon banquet, vous devez mourir en vous battant. C'est pourquoi, hélas, Allah prescrit aux musulmans, souvent, de mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. C'est la seule façon de venir le rejoindre. C'est très évolutif. Totalement débile. Très évolutif, hélas. L'être humain qui est rendu à un certain niveau d'évolution n'a plus besoin de cela. Les chrétiens, ça a été la même chose. Soyez des martyrs. Mourez. Mourez, on vous ouvre le sang. Bon, on vous ouvre le corps, le sang coule. Maintenant, l'être humain qui est rendu à un certain niveau d'évolution, lorsqu'il a suffisamment de négoïsation, c'est plus nécessaire qu'il meure violemment. C'est intéressant. Le baptiste est mort violemment. Il a perdu la tête. Contact supramental. Mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Donc, contact christique. Alors, l'être humain, même un enfant peut vivre un contact supramental. Il peut fusionner avec son double éthérique. Une partie supramentale qui va être créée et qui va conserver ce qu'il y a de plus évolué chez l'être humain exprimé dans le contexte planétaire, le double éthérique. Et lorsque le Nazaréen a eu la fusion avec son double éthérique, c'est lorsque le corps était mort. Il y a eu une fusion totale avec le double éthérique. Et le double éthérique dans le tombeau est venu atomiser, énergiser, donc luminiser le corps de chair, ce qui fait que les Romains n'ont rien trouvé à part une guenille avec des traces dedans. Dans le tombeau. Alors, on n'a pas besoin de vivre. Existe-t-il un vaccin en dehors de l'initiation qui inocule. C'est ça, oui. Inoculerait contre le virus qu'est l'âme, de sorte qu'en ma prochaine incarnation, le virus serait absent? Vous allez... On va laisser faire le phénomène de la réincarnation pluralitaire. On va considérer qu'une une réincarnation unitaire. Vous allez être réincarné en tant que ce que vous êtes lorsque le corps de l'enfant qui va vous recevoir aura approximativement l'âge que vous avez aujourd'hui. Il est donc absolument essentiel et nécessaire qu'une âme, âme vient d'anima, qui veut dire animé, qu'une âme habite le corps jusqu'à temps que vous en preniez possession. Et la problématique, c'est que lorsque vous allez en prendre possession, l'âme ne voudra pas lâcher. C'est l'ego. C'est ce qui vous est arrivé. Un virus, oui, en Haïti et en Afrique, entre autres, on est spécialisé dans la vaccination anti-âme. On prend un être humain qui a un corps physique. Il n'est pas mort parce qu'il a un corps vital. Et on prend l'âme et on l'extirpe. Plus d'âme. Alors la personne, elle est débarrassée de son âme. Elle a un corps physique, elle a un corps vital, et n'ayant pas de mental ni de contact supramental, et n'ayant plus d'âme, on appelle ça un mort vivant, un zombie. La personne qui l'a fait, elle peut télépathiquement diriger l'autre et faire ce qu'elle veut avec, l'autre n'a plus d'âme. Donc, elle n'est plus animable, n'a plus de conscience mémorielle, ce qui fait qu'il n'y a plus de personnalité. L'âme est absolument essentielle pour permettre la création du corps mental. Et le corps mental va permettre le contact avec le plan supramental, votre esprit. Et après, vous allez devoir ramasser, vous allez devoir quitter l'attraction de la mémoire. Et pour cela, il vous faudra énormément d'énergie. Et cette énergie, elle est conservée dans un carburant et dans un comburant. Elle est conservée dans l'âme, dans l'ego et dans les mémoires. Que vous devrez transformer, on appelle cela encore une fois, en égoïsation, pour pouvoir récupérer l'énergie dans la forme, de façon à avoir la puissance nécessaire pour monter. L'âme est absolument essentielle, sauf qu'elle ne doit pas être le maître contrôleur de notre vie. Est-il vrai qu'en 1993, certains auront la possibilité de passer directement 20 ou 30 ans plus tard, oui, en utilisant un moyen quelconque de voyager dans le temps? Absolument vrai. Si oui, explique le procédé. Est-ce un principe connu de la science, hyperespace ou autre? Dire que science, ça veut dire savoir. Puis que tous les savants font de la recherche mémorielle pour savoir. C'est de la connaissance. Donc, est-il vrai qu'en 93, certains auront la possibilité de passer directement à 20 ou 30 ans? Ou plus. en utilisant un moyen quelconque de voyager dans le temps. Jusque-là, ça va, en utilisant un moyen quelconque. Il existe présentement des machines à voyager dans le temps. Et sur la Terre. Actuellement. Ils sont pas là, là. Ils sont partis. Bon. Quelqu'un les a pris. Dans le temps. Ça existe. Ça fonctionne mal. Très dangereux. Avec des séquelles de dépolarisation du corps vital, de séparation du corps vital. En tout cas, bref, le voyage n'est pas confortable. Puis souffrant le restant de la vie du corps physique. Présentement, il y a des mécaniques qui sont en train de se créer. Pour répondre clairement, je devrais expliquer plein de choses que, bon, je vais résumer quand même. L'être humain, lorsqu'il évolue, il vient à un moment donné où il cumule suffisamment d'énergie qu'il augmente sa masse. Augmentant sa masse, il augmente sa gravité. Augmentant sa gravité, il courbe autour de lui l'espace-temps. Ce qui va faire en sorte qu'un être humain suffisamment évolué, suffisamment rayonnant, lorsqu'il passe quelque part, tout le monde le remarque, tout le monde le voit, et progressivement, l'événementiel qui entoure les individus commence à être ajusté en fonction de notre personnage. On parlera de charisme. Il courbe l'espace-temps autour de lui. On ne parle pas qu'il va faire dévier la lumière encore ou qu'il va attirer Mars ou Vénus, mais il courbe l'espace-temps. Progressivement, l'individu finit par courber tellement l'espace-temps dans la conscience et dans la matière que beaucoup d'individus faibles ne sont plus capables de quitter la centricité opérée par la courbure spatio-temporelle. Ce que je veux dire, c'est que la Terre, la planète Terre, vous connaissez ça, ça n'attire absolument rien. Hein, ça n'attire pas. On parle d'un aimant, on parle de gravité. C'est ça qui est grave. C'est qu'il n'y en a pas. Ça n'attire pas. Par contre, ce que ça fait, c'est que la masse courbe l'espace-temps autour de la Terre. Et courbant l'espace-temps autour de la Terre, chaque fois que quelque chose veut s'échapper, il est ramené sur la Terre par la courbure spatio-temporelle. Si on voyage plus rapidement, si on cumule suffisamment d'énergie cinétique, 11,2 km à la seconde, on sera capable de quitter l'orbite terrestre. Donc, de fuir la courbure spatio-temporelle. Dans une étoile à neutrons, dans un trou noir, par exemple, l'énergie est tellement dense, la masse est tellement puissante, l'espace est tellement courbé puissamment, que même la lumière à 12,5 km à la seconde n'arrive pas à quitter l'orbite. Bon. Lorsque l'être humain évolue, il ramasse de l'énergie. Ramassant de l'énergie, il augmente sa masse. Augmentant sa masse, il augmente la courbure spatio-temporelle. L'homme nouveau, la femme nouvelle ou l'enfant nouveau qui sera en contact fusionnel avec son ajusteur de pensée, en contact fusionnel avec son dôme éthérique, aura une masse telle qu'il sera capable de courber l'espace-temps à un point tel qu'il sera capable simplement de partir de maintenant et de s'en aller directement 30, 40, 50 ou 200 ans plus tard. Bon, voilà, c'est une bonne chose. De titre. Et il y aura aussi une intervention, probablement dans les années à venir, une intervention qui fait partie de transport séraphique, de contact fusionnel avec les individus qui auront des doubles éthériques. C'est très haut, hein, on ne comprend plus rien. Moi non plus. Mais... T'écouteras, Cassette. Énergétiquement, c'est intéressant. Alors, il y aura effectivement des individus qui, dans les années à venir, seront simplement transportés. Dans le temps. Être soi-même n'est-il pas la fameuse clé pour communier avec l'esprit? Si oui, est-ce qu'il y en a une aussi puissante que celle-ci? Bon, quand on dit être soi-même, il faut toujours faire attention parce que le être soi-même a toujours été appelé, amené par les énergies émotives et spirituelles qui vont dire « Moi, là, je suis une personne bête, fait que c'est ça être moi-même, je reste moi-même. Moi, je suis une personne qui n'aime pas voir les animaux, parce que j'aime pas voir les animaux, c'est moi. » Être soi-même peut être compliqué parce que c'est facilement récupérable par l'ego. Ça peut être ce que j'ai toujours été. Ouais, mais encore là. Au lieu d'être soi-même. Ouais, mais c'est sûr que c'est ça. Mais c'est aussi être ce que tu seras toujours. Mais ça, c'est de la philosophie. On a raison, mais ça sert à rien d'avoir raison comme ça. Mais ça sert à rien, ça c'est pas applicable. Ne soyez plus rien. Ça, c'est beaucoup plus applicable. Et là, on est gagnant. C'est pas toutes les lois, mais ça va permettre de faire différentes choses. C'est comme si vous êtes joyeux. Les lois qu'on a vues tout à l'heure, appliquez-en seulement une, nécessairement les autres vont commencer à devenir applicables d'elles-mêmes. Pour choisir. Si vous n'êtes plus rien, êtes-vous une femme? Et cosmiquement, c'est pas fort. Êtes-vous un homme? C'est pas... Bon. Êtes-vous un esprit hautement évolutif? Ça veut dire quoi? Êtes-vous le fils créé par Dieu? Ou la fille? Si ça vous plaît. Si vous êtes capable d'être rien, vous serez probablement exactement ce qu'il faut que vous soyez. L'ego astralement, il va avoir de la difficulté à supporter ça. Ben oui, mais si je suis rien, ben t'es quelqu'un. Puis si c'est pas assez, ben t'es quelqu'un. L'humain doit être... Quand les gens me demandent, par exemple, où je prends mon information, je réponds souvent, je prends ça où ça se trouve, c'est bon, c'est simple. Monsieur Kem, avez-vous fait votre fusion avec votre globe éthérique? Non, ça ne vous regarde pas. Mais bon, on élimine les formes. À quoi ça sert? Rien. L'important, c'est que vous soyez conscient, présent où ce que vous êtes. C'est uniquement ça. Les égos vont être insécures. Les égos veulent absolument avoir des quelque chose. Est-ce que je suis rendu au niveau 28 d'évolution au niveau 48 427? C'est comme je dis souvent, quel âge avez-vous? Ah, moi, j'ai 27 ans, j'ai 45 ans, j'ai 12 ans, j'ai 68 ans. Oui, c'est pas ça. Lui, il a combien de centaines d'années de vie? Si on calcule ses vies antérieures. Qui est le plus vieux que l'autre? Oui, mais... Cosmiquement, quel âge avez-vous? C'est comme de dire, il n'y a jamais eu de début, il n'y a jamais eu de fin, et il est présentement 9h37 et 28. Par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? On s'amuse comment, là? Le cosmos existe depuis 15,2 milliards d'années. Puis avant, c'était l'éternité. On s'amuse, là. Dans l'évolution, c'est la même chose. À quel niveau on est rendu? À quel niveau ceci? Être soi-même veut dire quoi? C'est sûr, philosophiquement, c'est être tout. Puis quand on est tout, on est rien. Quand on est rien, on est tout. Mieux vaut être rien, comme ça on est tout. Parce que quand t'es tout, t'es rien. Mais... C'est quoi? Ce sont des sujets de philosophie, ce sont des sujets de conversation qui ont une immense utilité uniquement par le fait qu'ils vous obligeront peut-être à parler, mais qu'ils ne doivent jamais être mémorisés. On a eu une bonne conversation hier. De quoi vous avez parlé? En tout cas, était bonne la conversation. Bonne question. Alors là, vous avez eu une bonne conversation. Pourquoi? Vous avez conservé l'énergie, vous avez digéré la forme et vous n'avez pas conservé la forme en empêchant l'énergie de vous aider. L'évolution doit se faire d'une façon sans être centrée sur une personnalité. La personne, elle a raison, c'est sûr qu'elle a raison, mais souvent c'est de la philosophie. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'elle philosophisait, mais il faut faire attention, on parle aussi pour tout le monde, on doit être rien. Ça va vous permettre d'être capable d'appliquer des lois particulières qui vont vous permettre de faciliter votre évolution. N'être attaché à rien, sans vous foutre des choses. Parce que êtes-vous le fils de Dieu? Imaginez que par hasard, vous découvrez que vous êtes le fils de Lucifer. Ça te rappelle des choses? Maintenant, vous faites quoi? Autant rien se rappeler, hein? Que tous les humains, de toute façon, sont lucifériens. Quand tu te rappelles de rien, tu n'as pas à t'adapter. Tu n'as pas de mémoire, tu ne sais pas. Tu ne t'attaches pas. Tu ne souffres pas psychologiquement, tu souffres à peine physiquement. Et pas de mémoire, évidemment, tu as le savoir instantané quand tu es rendu à ce niveau-là, ce qui fait que tu sais toujours tout ce que tu as besoin de savoir lorsque c'est nécessaire que tu le saches. Tu n'as pas besoin de te rappeler de ça. Pouvons-nous être soi-même, nous-mêmes, et ne pas être transparents? Non. Pour être vous-même, vous allez simplement... Vous êtes pur, vous êtes transparent, vous êtes translucide, vous êtes parfait. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on vous a emballé pendant le transport pour vous protéger contre les chocs. Puis là, ben là, la caisse, elle ne veut pas s'ouvrir. Bon. On la trouve belle. Elle se trouve belle, elle reste là. Mais être soi-même sans être transparent, non. Là, vous vous jouez des tours. La transparence, c'est l'unique voie vers l'accession du phénomène d'être soi-même, ou d'être finalement plus rien, de ce que la forme prescrit. À quoi ça vous sert d'être un dieu ou une déesse? Regardons-le. À foutrement rien. Oui, mais je ne souffrirai plus. Mais non. Mais tu fais quoi maintenant que tu ne souffres plus? À quoi ça sert à l'humain d'être quelque chose? Absolument rien. De ce fait, si l'humain veut être prince, veut être roi, veut être n'importe quoi, ça ne mène absolument à rien. Moi, je ne veux pas être quelque chose, je suis. Je suis. Je suis quoi? Je n'en ai rien à foutre, je suis. Et où je vais, je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais. Ah oui. Et c'est comme ça. Tu peux pas te tromper. C'est bien ça que je pensais, c'est là que je m'en allais. Astralement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, exactement. Dans la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais. Dans la forme. Dans la forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais, je connais la saveur, mais je ne connais pas la forme. Je sais que ça va goûter les patates. Mais je ne sais pas si c'est un gâteau qui va goûter les patates ou si c'est un morceau de viande qui va goûter les patates. Je m'en fous. L'important, c'est que la saveur que j'ai besoin, la saveur que je vibre, je sais que c'est cette saveur-là que je vais chercher. Est-ce que ça va être dans un Éden paradisiaque sur une planète? Je n'ai rien à foutre. L'important, c'est que j'ai la saveur. La saveur, c'est de l'amour intelligent, c'est de l'intelligence que du corps, c'est de la conscience, mais c'est beaucoup d'autres choses que la forme, donc que les mots ne peuvent pas communiquer. Ça communique énergiopathiquement. Télépathique, ça, c'est planétaire. Mais énergiopathique, c'est sur tous les plans. Il y a la saveur. Exactement comme, vous voulez être heureux? Qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureux? Je m'en fous de ce qu'il me faut pour être heureux, je veux être heureux. Alors là, vous avez de drôles de chances d'y parvenir. Pour être heureux, moi, il faudrait que... Voilà, là, vous êtes bien mal pris. Alors moi, je sais que j'y vais, je connais la saveur. Mais où je vais? Quelle est la forme de « parle-en » Je n'en ai vraiment pas besoin. Près de Dieu, si c'est ce que j'ai besoin, c'est parfait. Près de l'enfer, c'est parfait aussi. Près de l'humain, aucun problème. Près d'écureuil, près de la terre, ça ne me dérange pas. La saveur. L'imbécilité, la débilité, l'absurdité, l'ignorance, la mémoire, il n'y a pas où je vais. Mais à quoi ça ressemble? Je n'ai pas besoin. Une planète de cristal, je n'ai rien à foutre. Si c'est ça, c'est tant mieux, bon, on écoutera la radio. Oh, c'est piloté par Cristal aujourd'hui. Ouais. C'est important de bien comprendre l'idée. On n'a pas besoin de prévoir la forme pour dire « Si j'ai ça, je serai. Soyez. Le reste sera parfait. » À quoi ça va ressembler? Aucune idée. Mais ça va être parfait. Toute connaissance de soi n'est-elle pas partie du mensonge cosmique? Mensonge cosmique. Absolument. Ça fait partie du mensonge cosmique. Mensonge cosmique. Parce que je pensais à Brian Mulroney, puis... C'est un mensonge comique, lui. L'être réel n'est-il pas dans un état de non-conscience? Ici, non, et ici, oui. Donc, toute connaissance de toi, de soi, n'est-elle pas partie de... Du mensonge cosmique. La question est comique, elle nous fait tout, hein? Ouais. On va la lire l'autre d'ailleurs, bord. Ça doit être de non-connaissance et non pas de non-conscience. Oui, toute connaissance de soi, évidemment. C'est ce que je viens d'expliquer. Quand on apprend à se connaître, on apprend à connaître que de la mort. Mieux vaut être rien. Mais être rien n'est pas de la non-conscience. C'est juste là que la nuance à faire. Si vous savez qui vous êtes, en réalité, vous savez qui vous avez été. Je suis mécanicien, c'est toute ta vie. Je suis un bon gars, c'est toute ta vie. Tu regardes le passé, aujourd'hui, t'es quoi? Je suis un être humain malheureux, tu regardes ton passé, heureux, etc. La non-conscience, il faut comprendre certaines choses. Encore une fois, ici, la personne a la raison et elle a tort. Ça dépend des niveaux. Des c'est non-conscience ou non-connaissance? Non-connaissance qui est écrit ici, mais ça, c'est parce que j'ai dit non-conscience, mais c'est ça. Pas ça. La non-conscience, c'est la même chose. La non-connaissance, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la même chose, ça dépend du niveau où on va se placer. Donc, on revient à la même chose, c'est qu'au niveau astral, au niveau mémoriel, au niveau psychologique, donc au niveau spirituel, l'être humain va vivre une connaissance, va vivre une conscience. C'est une conscience mémorielle. Une conscience mémorielle est essentiellement une connaissance. Tout à l'heure, on a parlé, la science voudrait dire savoir. Le savoir est toujours instantané. Vous connaissez Montréal, vous ne savez pas Montréal. Vous ne connaissez pas que vous vivez, vous savez que vous vivez. Bien différent. L'être humain qui atteint un état d'être-té réel, donc un état d'absolu, on peut parler par exemple de phénomène existentiel et non plus expérientiel, n'a plus besoin de l'expérience pour parvenir à un état illusoire mémoriel de conscience. L'être humain qui est existentiel uniquement peut parvenir à un état post-personnel, c'est pas trop compliqué, mais avant d'être ici, tu étais pré-personnel. Tu étais un pré-personnel. Un emprunt personnel. Des exemples de finances pour qu'ils comprennent. Présentement, tu vis dans une personnalité, tu as une expression qui est existentielle, qui est expérientielle et qui est personnelle. Alors qu'un peu avant ta création, tu avais une existence, création, on parle d'un contexte planétaire, tu avais une existence temporelle qui était, donc tu étais une expression existentielle, qui était pré-personnelle et qui n'était pas encore expérientielle. L'être humain qui arrive à un état d'être-té après être passé par où on est passé, va vivre un état post-personnel, donc il perd la personnalité, ce qui fait qu'il n'est plus rien du point de vue des personnalités, personnalité astrale. Nécessairement, il va perdre la connaissance, donc il va atteindre la non-connaissance. La non-connaissance, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas tout connaître, c'est rien connaître. Dans les philosophies du passé, on va parler justement du tout connaître. Non, le rien c'est le tout c'est le rien, ça c'est une illusion. Dans le rien, il n'y a rien. Et dans le tout, il y a tout. L'astral humain cherche le tout. L'être intelligent n'est rien. C'est tellement mieux. Les grands initiés ne dirigeaient pas les pays. Ils étaient rien. Oh, mais tout bougeait à cause d'eux. Aller dans l'espace, il n'y a rien. C'est faux, il y a des particules virtuelles. Mais alors, disons qu'il n'y a rien. Vous allez dans l'espace, c'est le vide, il n'y a rien. Vous allez voir à quelle vitesse vous allez vous désagréger. Puissant de rien. L'être humain, donc ici au niveau de la non-connaissance, est évident. La non-connaissance, c'est la faculté qu'a l'humain de perdre sa mémoire, ce qu'on a parlé un peu au début. L'être humain parvient philosophiquement à l'état du non-être. L'état du non-être, c'est la capacité qu'a un ego de ne plus être capable de se reconnaître. De ce fait, il ne devient rien. La non-connaissance, la non-vision, la non-audition, la non-olfaction, la non-tactilité, l'être humain atteint l'état du non-être. L'état du non-être, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois une capacité qu'aura l'ego de ne plus rien connaître. Pour que l'humain arrive à l'état du non-être, il faut que l'humain soit rendu à un niveau énergétique où il a une conscience supramentale. Il ne l'a pas autrement. On peut en faire des philosophies. La philosophie va nous amener de l'énergie et un jour, on devra transformer les mémoires de la philosophie en énergie d'ascension et devenir la chose. Rien. C'est là que je suis, parce qu'on n'est rien. Oui. La personne va dire, tu es quoi? Tu réponds même pas rien quand tu es, parce que le rien devient quelque chose dans la forme, dans le langage humain. Ben, tu fais plaisir, ça fait plaisir. Je suis un bon gars. Il faut bien que tu réponds, sinon il ne te lâche plus. Alors donc, la non-connaissance, c'est le contact supramental qui amène à l'humain une perte totale de la conscience mémorielle avec un savoir instantané, un savoir supramental qui fait en sorte que vous savez ce que vous avez besoin de savoir uniquement lorsque c'est nécessaire que vous le sachiez. Tout le reste, vide. Plus de problème. Vous rappelez-vous où vous restez? Non. Mais c'est un maudit problème? Non. Pourquoi? Pas là, je m'en vais. C'est ça, le contexte supramental. Oui, mais quand ça va vouloir y aller? Je vais savoir ce que j'ai besoin de savoir, quand ça va être nécessaire, quand je vais savoir que quand je vais devoir en rentrer chez moi dormir, je vais savoir où je reste. D'où tu viens? Je sais pas. Oui, mais tu sais pas d'où tu viens? Non. Ça prend un conjoint qui accepte ça. Ça fait 3 jours qu'il t'a non, pas ça vu. Prend un conjoint plutôt qu'un conjoint. Un quoi? Ça prend un conjoint plutôt qu'un conjoint. Parce que si le conjoint est avec toi, il ne comprendra pas. Si c'est un conjoint est avec, il est joint avec toi, ça va. Mais s'il est con avec toi, ça va. Un conjoint. Je ne me rappelais plus où j'habitais. Pas sûr. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Pourquoi tu as dit où j'allais? Je ne sais pas. Non, mais là, quand tu vois qu'elle ne comprend pas, tu dis quittez, toi. Qui êtes-vous pour me poser des questions comme ça? Là, tu vas te coucher dans les tiers à chat. Rappelle-moi si tu restes. Où tu couches. On doit comprendre que c'est... L'une... Vous savez, les grandes peurs de l'évolution vers l'esprit, vers le contact avec l'esprit, c'est ça. Tu vas être uniquement un robot. Pourquoi? Je ne suis pas un robot. Ben oui. Quand tu as une claque dans la face, tu ne cries plus. Tu es un robot? Non. Tu as besoin de deuxième, tu vas voir. M'a bloqué. Tu as besoin de troisième, m'a bloqué. M'a donné quoi tes deux jambes, je vais m'en aller. Je ne suis pas un robot. Mais émotivement, je suis plus variable. Mais je suis écologique. Je me préserve. Énergétiquement aussi. Je peux m'amuser, je peux rire. Oui, mais ta maison vient de passer au feu ou encore tu viens de perdre ton gros tracteur puis ça t'a pas... Mais non. À quoi ça me sert que ça me dérange? C'est stupide, c'est con. Mais ça me dérange pas. Je suis pas un robot. L'ego va prétendre cela. L'autre chose, à un moment donné, on n'aura plus de mémoire. Ben non, on n'aura plus de mémoire. Je me rappellerai même pas mes bons moments. Exact. De ce fait, tu te rappelleras pas non plus tes mauvais moments. Si l'humain veut atteindre le bonheur, si tu te rappelles pas des bons et des mauvais moments, tu vas les vivre au lieu de t'en rappeler. Mais quand tu vis un... Mais ça sera pas un bon moment, mais ça va être un moment. C'est ça. Ouais, okay. Pas, si à un moment donné, l'humain veut absolument et obligatoirement finir par ne plus jamais être malheureux, il doit s'apprêter à abandonner la recherche du bonheur. Si l'humain veut absolument, absolument, absolument ne plus être ignorant, il doit nécessairement cesser la quête de la connaissance. L'humain doit atteindre un savoir instantané. Et l'humain ne peut pas faire une quête. Et de toute façon, l'humain, comme on parlait tout à l'heure, veux-tu décider d'avoir un contact avec l'esprit? Même pas. Tu pourras avoir des contacts avec des mémoires d'esprit, si tu veux. Bon, avec de l'illusion. Une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, on se fait ramasser par les culottes. On commence à refuser le traditionnel. On commence à se poser des questions neuves, pas juste répéter les vieilles questions. On commence à oser répondre des choses bizarres. On est un petit peu moins sociable. Pas nécessairement, mais habituellement. Les cheveux tombent. Ouais, les moustaches. Et progressivement, progressivement, eh bien, on se ramasse dans un monde bizarre. Un monde où vous allez finir par apprendre que la seule façon de vous en sortir, ça va être de le faire tout seul. Mais on peut le faire en gang. Mais tout seul en gang. C'est vrai que c'est subtil quand c'est subtil. C'est ça, mais c'est pas ça. Les premiers qui ont compris qu'on s'en sortait seul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont emmurés dans des ashrams. Ils ont fui. Ils étaient quand même collectifs. Il était 7000 dans 7000 ashrams à faire les mêmes voyages astraux. Astro? C'était des astros à l'époque. C'est individuel en groupe. La conscience individuelle se fait lorsque l'individu a la capacité de reconnaître ce qui est et ce qui n'est pas, uniquement en fonction de ce qui va résonner chez lui et non pas en fonction de ce qui résonne dans un public. Tout le monde est d'accord, lui trouve que ça va pas. Ça va pas. Il dit pas qu'il a raison. Il dit que ça va pas. Qui t'es pour dire que ça va pas? Moi, suffisant. Puis tu penses qu'il a raison? Non. Ben, si t'as tort, pas dit que j'avais tort. L'humain doit se centrer dans son intelligence. Et effectivement, on peut jouer au tennis ensemble, on peut s'amuser. Quand je dis jouer au tennis, ça veut dire se lancer des balles astrales. Pas synthétiser. Mais travailler dans l'astral convenablement pour parvenir à faire en sorte qu'on ramasse de l'énergie. On intelligencie, on s'oblige à parler, on travaille ensemble, c'est plaisant. L'humain doit comprendre l'idée. Sauf que l'humain ne peut pas, l'homme ne peut pas s'en sortir s'il n'est pas son seul maître. Et quand je parle son seul maître, ça veut dire que c'est lui qui dirige uniquement ce qui se passe chez lui. Le réalisateur nous fait encore des simagrées. Le titre la semaine prochaine, les lois de l'évolution comique, cosmique. Bon, on va sortir un peu du contexte uniquement relié à l'humain pour aller voir un peu plus pourquoi on est assujetti à des lois planétaires et pourquoi dans l'ensemble, tous les événements planétaires s'enlignent présentement pour nous faire vivre un Kali Yuga, un âge de fer très terrible. Bon, on va s'amuser aussi, vous allez voir. Ceux qui ont oublié leur adresse, ils sont mentionnés à l'entrée. Vous pouvez les prendre pour partir. C'est pour ça qu'on demande de vos noms, vos adresses. Bonne fête de semaine.